demander la police. Ne quittez pas. Pilon BNR, explicite, parental, lyrique, ça arrive en roue arrière, en CBR. Le tandem examine ses recrues, il est des trois mousquetaires. Nous sommes la brute, le truand, dans 20 piges, encore aux antiquaires. Trois lettres au sens, blessant, c'est PVR. Produit vide de racaille, au dépôt, comme un enterre. Rendez-vous sur le champ de bataille, écoute le son amateur. Contrôle les positifs, c'est avant le qui fait peur. Qui débarque, diplomate, sans jamais graisser la patte. Braque, comme hors surprise, encore sous shit et structise. C'est PVR sur la piste, ça fait grave s'en occuper. Accompagné, ça s'occupe encore une bonne soirée. Chargé à mort, ça va finir au stup. Ici, place, cliché. Ici, se forme les clichés. Tu vas finir en travesti. Si chez nous, tu veux trafiquer. Banlieue, haute scène, c'est ici. Ici, on saigne, c'est si, ici. Ma vie, mon flow, mon esprit. Haute scène, les moulinos, ici. Eh, hey, tonton, c'est le son, les frères, pilon. Ici, Boulogne, Châtillon. Le trio a trouvé le filon. Autant de toi, fiston. BNR, long au micro. Coulant comme ton cul sur le nitro. Comme un cadache sur un truc. Comme nos voix de la rue. C'est la banlieue, dans tes oreilles. 92, le perturber ton sommeil, frère. Pilon BNR, le flow, l'organisation. C'est Pilon BNR, pile imagination. C'est Pilon BNR, ici, Châtillon. C'est Pilon BNR, depuis plus H5R. C'est Pilon BNR. Ici c'est pourri, gros, ça rigole pas. Impossible de sourire si ça picole pas. Jack Dance s'est transformé en Montana. Un de coke, un épuiseur de canard. Bah les couilles de l'environnement, de tes meufs ou tes mecs. J'suis venu pour l'argent et rien à foutre des discothèques. J'avertis les petits, la nouvelle génération. On n'est pas né ici pour finir comme des moutons. Appelle-moi Lolon, le tampon sur tes lolos. Le calibre chargé, juste derrière le logo. J'connais les femmes, le vice et la cage. J'connais la cam, le vice et braquage. J'vois l'impact des caries sur nos radios. Mais y'a du son ici, y'a pas de bague ni de bandeau. Alors Guignol veut mon bénéfice, dégommer ma fraîche. Assis-toi sur une bouteille, bouton zizou dans la brèche. Tonton pilon, BNR production. C'est la patate musicale dans ton introduction. Le flow, l'organisation, c'est pilon BNR. Aspi l'imagination, c'est pilon BNR. Si Châtillon, pilon BNR. Le bubu H5R, c'est pilon BNR. Je laisse pas de trace derrière moi pour pas me faire griller. Derrière les micros, je me place, mon single VO. C'est ma BO sans me faire prier. Eh, hey, ma nouvelle enseigne, eh, hey, pour le parisien, eh, hey, gringos. C'est plus de 100 chevaux dans tes chicots. C'est BNR pour mes sauces, puissance featuring. Écoute, garçon, Lolon BNR, viens foutre le souk, viens foutre le bourson, frère. C'est 100% érapé, même si pied sous terre. Nouvelle art, nouvelle ère, j'emballe ici, j'emballe ici. Boulogne, Châtillon, ça fousse bull, pilon BNR. La fusion pour le 9-2, pour le 9-4, pour mon mec sec. La banlieue de sac à coup de cèpe, c'est vie la nuit. En 4-4, c'est à mon pote, ici, Boulby, bouge pas d'ici. C'est la sauce, trop de rime ici. Trop de rime sans limite, sans mimique. C'est mon blast marqué au sol à coup de bombe. C'est mes phases gravées dans vos têtes à coup d'onde. Écoute, garçon, BNR sans son cocon. C'est le son de la sauce. Pas de casseau sinon c'est danger. Je vais pas changer mes habitudes, je vais pas me ranger. À base de coups bas sur le beat. Si je t'aime pas, je t'évite. Mets ton pare-balles, mon pote. Puis on sort à coup de balle.